Have you learned your text? J'ai pas eu le temps, monsieur. Très mauvais prétexte. On ne fait pas ce qu'on veut. Petite romanesque. Ça vous amuse, monsieur? Un petit peu. Have you learned your song? J'ai pas eu envie, monsieur. Tell me what is wrong. Tout va pour le mieux, monsieur. On se moque du monde. Ça c'est pas vrai, monsieur. Oui, un petit peu. Je pense à vous, c'est entre bleu et blue. Dream in blue, je dream en bleu, je rêve en bleu. Tout est bleu, all is blue, blue. I am expecting. Qu'est-ce que vous attendez donc? Que l'on me devine. Voulez-vous des bonbons? Qu'il est con. Je dream en bleu, je rêve en bleu.